non alle, non ci ripubie, non concedi anche non stai sans cesse, parti les toupies, elle me dit que le temps passe, j'ai prié pour que tu saches que je ne reviendrai pas de Copacabana. Adossé à mon panier, j'ai tout quitté sans regret. Dis adieu à mon passé. Pardonnez-moi si j'ai fait tant de mal.